peut essayer de garder notre sérieux 5 minutes? Un accident de chasse. Si c'était une soirée déguisée et qu'elle était en sanglier, j'aurais rien dit, mais là... Non. Juste, non.